Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Mérovingien, le podcast où on apprend à reprendre le contrôle de nos machines, de nos ordinateurs, de nos téléphones, par la cybersécurité. En tant qu'ingénieur cybersécurité, j'aimerais vous transmettre quelques mesures, quelques réflexes, quelques idées sur la cybersécurité. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des élections américaines qui ont eu lieu la semaine dernière. Est-il possible d'hacker une élection? Est-il possible de changer le décompte des voix? Vous me direz, s'il y a une machine de vote et qu'elle n'est pas connectée à Internet, où est le problème? Comment des hackers peuvent accéder à ces machines? Eh bien, faites attention, car cela est faux. Joe Biden a été élu président des États-Unis d'Amérique la semaine dernière, samedi dernier. Et le camp Trump refuse cette victoire, dénonce des fraudes. Il dénonce que le compte n'est pas bon, qu'il a gagné. Donc on lui a volé l'élection. Stop the steal, c'est le nouveau mouvement du camp Trump. Alors on va aujourd'hui essayer de répondre à la question, est-ce qu'il est possible techniquement de voler une élection? En termes cybersécurité, est-il possible d'hacker une élection? Peut-on changer le résultat d'un vote? Eh bien, c'est possible. Des hackers ont montré que c'était techniquement possible de changer le résultat d'un vote qui est géré par des machines électroniques. Et on va enquêter sur l'élection, on va se rejouer la scène de l'élection. Et vous allez me dire, vous allez essayer de trouver les moments où les hackers peuvent interagir avec les machines, les moments où ils peuvent changer le résultat final. Alors, donc c'était mardi dernier, le 3 novembre 2020, à minuit, dans un petit village au nord-est des États-Unis, à minuit. Donc ce petit village, à minuit, il a le droit de lancer le premier les élections, d'ouvrir son bureau de vote. Alors je vous laisse imaginer le bureau de vote. C'est un chalet, il y a des tableaux, des plateaux en bois avec des écriteaux écrits. Il y a des cow-boys qui vous accueillent pour pouvoir voter. Donc vous pouvez voter donc en prenant un papier, en le mettant dans une enveloppe, en le mettant dans l'urne. Et donc une fois que la dizaine de personnes du village a pu voter, l'élection de ce village, le bureau de vote ferme et le résultat est annoncé sur un tableau blanc. Donc vous voyez ici, c'est traditionnel, c'est pittoresque, ça représente l'Amérique, ça représente l'histoire de l'Amérique, ou l'histoire depuis laquelle le vote existe. Et donc ce bureau de vote affiche ses résultats de manière traditionnelle, c'est le crayon, le papier, l'enveloppe. Ici, pas de numérique, pas d'électronique, pas d'ordinateur. Bon. Ensuite, il est 7h du matin à Philadelphie, donc dans l'état de Pennsylvanie. Le bureau de vote va ouvrir, donc il y a presque la queue devant pour voter, puisque cette année, on est à 62% de participation. C'est plus que dans les années 60. Vous imaginez, il n'y a jamais eu autant de monde qui est venu voter. Cette élection, elle est importante. Et particulièrement en Pennsylvanie, parce que c'est un état pivot aux États-Unis. Donc le résultat de cet état va décider du résultat des élections dans le pays. Donc les personnes attendent pour pouvoir entrer dans le bureau de vote. Et donc à l'intérieur, les préparatifs sont en train d'arriver. Il y a un officier qui rentre et qui arrive avec une carte spéciale, une carte électronique. Et il va aller interagir avec chaque machine de vote, chaque machine électronique. Et avec cette carte, il va, pour chaque machine, initialiser la machine, parce qu'il a une carte un peu spéciale. Et donc, une fois que la machine est initialisée, c'est la procédure, il imprime pour chaque machine un petit papier qui atteste qu'il n'y a aucun vote enregistré, donc zéro pour chaque candidat. Donc une fois qu'il a imprimé tous ces papiers avec des résultats zéro, il certifie que, voilà, on peut lancer l'élection, elle n'est pas biaisée, tous les résultats sont à zéro. Donc le bureau de vote ouvre, les électeurs peuvent enfin rentrer pour pouvoir voter pour leur candidat préféré. Et ils vont prouver leur identité, donc avec leur carte d'identité ou un autre papier qu'il faut, prouver qu'ils sont en droit de voter. Et donc on va leur donner une carte, une autre carte, pas la même que celle que l'officier, une carte de votant on peut dire. Et donc avec cette carte, à usage unique, il va aller vers la machine, il va l'insérer dans la machine, et il va pouvoir effectuer un vote parmi la liste des candidats. Donc une fois qu'il a choisi son candidat, le menu se ferme et il ne peut plus interagir, parce que sinon il pourrait voter plusieurs fois. Donc grâce à ça, on s'assure qu'il n'y a eu qu'un seul vote par personne. Donc ensuite, il va rendre cette carte aux officiers, aux personnes qui gèrent le bureau de vote. Et donc il a pu voter, voilà. Et donc toute la journée, les personnes vont défiler dans le bureau de vote, elles vont pouvoir voter. Tout le monde suit la participation, les instituts de sondage, les journalistes, tout le monde veut savoir le résultat de cet état, le résultat de cette ville. Il y a même dans le monde entier, on attend le résultat de cette ville. Donc, vous voyez, cette machine de vote, selon le résultat qu'elle va donner, selon le nombre de votes qu'elle va rendre, ça va avoir beaucoup d'implications. Les enjeux sont colossaux. Donc ensuite, c'est la fin de journée. Le bureau de vote peut fermer. L'officier, il arrive avec la même carte spéciale qu'il avait le matin. Et il va l'insérer dans les machines et il va imprimer les résultats. Et donc, on pourra dire que ces résultats sont certifiés. Donc, on a un comptage qui est instantané. On peut savoir pour chaque machine les résultats. Et voilà, le comptage est beaucoup plus rapide grâce à cette procédure. Voilà, donc la journée est terminée, on peut dire les résultats des bureaux de vote. Et il va falloir ensuite attendre pour les votes par correspondance. Donc, est-ce que vous avez bien écouté? Est-ce que vous avez visualisé la scène dans le petit village près du Canada, dans la ville de Pennsylvanie avec les machines de vote? Et est-ce que vous avez trouvé à quel moment les hackers peuvent interagir avec les machines? Alors il y a deux types d'interactions avec les machines. Donc, la première, c'est la carte spéciale de l'officier. Celle-là, elle est importante parce qu'elle elle initialise la machine le matin et elle donne le résultat à la fin quand même. Et ensuite, on a les cartes des votants, donc celles-ci permettent de voter une fois a priori. Donc il y a un chercheur aux États-Unis qui étudie beaucoup ces problématiques, qui est audité par les différents États, par le Sénat, parce que c'est un sujet qui est quand même assez étudié par les autorités, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens encore qui sont engagés sur le sujet de la cybersécurité pour les votes. Mais donc ce chercheur, il a présenté comment, en théorie, avec une machine, donc il a fait une démonstration, comment on pouvait hacker et changer le résultat d'une petite élection qu'il a jouée là pendant la conférence avec quelques votants. Et donc il explique que un hacker, il peut changer le résultat des machines. Alors comment il fait? Alors, si vous vous rappelez, on a bien ces cartes avec lesquelles on interagit avec les machines. La carte la plus importante, on a dit, c'est celle de l'officier. En fait, l'officier, il travaille dans une entreprise. Ou au moins une entreprise, il a sous-traité souvent ça à une entreprise. Le fait de gérer ses cartes, de les préparer pour le jour de l'élection. Et cette entreprise, elle a des bureaux classiques. Des bureaux avec des ordinateurs qui sont connectés à Internet, où les personnes consultent leur mail. Donc vous voyez, finalement, la machine de vote, même si elle n'est pas physiquement connectée à Internet, elle n'en est pas si loin, parce qu'elle va interagir avec une machine qui est connectée à Internet, la machine de l'employé de bureau qui configure la carte. Et donc il suffirait pour les hackers d'attaquer cette entreprise, de la retrouver par Internet, d'attaquer en envoyant des mails ciblés aux employés, parce qu'elle n'a pas forcément une cybersécurité très développée, selon les entreprises. Et donc les employés vont cliquer sur les mails, donc le hacker va prendre le contrôle de l'entreprise et il va pouvoir changer ses cartes, il va pouvoir les modifier pour qu'au moment où l'officier va mettre les cartes le matin et le soir, il puisse changer le vote à sa guise, à l'avance. Vous voyez ? Donc finalement, la première idée reçue de dire que les machines elles sont protégées parce qu'elles ne sont pas connectées à Internet, c'est vraiment une idée reçue, ça a fait perdre beaucoup de temps à la cybersécurité. Tout le monde s'est cru protégé parce que mon ordinateur, il n'est pas connecté à Internet, donc il n'y a pas de problème. Mon avion, il n'est pas connecté à Internet, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, il y a plein de systèmes qui ne sont pas connectés à Internet, mais qui peuvent être attaqués, puisqu'on interagit avec eux, que ce soit avec des clés USB, des cartes ou des personnes. Donc il faut bien qu'on arrive à enlever cette idée reçue de dire si la machine n'est pas connectée à Internet, eh bien, elle est protégée. Ça suffit, en fait. On n'a pas besoin d'en faire plus. Un autre argument des personnes qui veulent pas s'inquiéter sur ce sujet des votes, ce serait de dire il faudrait que le hacker interagisse avec toutes les machines des États-Unis. Il faudrait qu'il change le résultat de toutes les machines pour que ça soit significatif. Alors, pour le coup, aux États-Unis, ça marche pas. Puisque, pour le coup, il y a des états pivots aux États-Unis qui vont décider le résultat, qui vont faire basculer le résultat. Et donc, ces états pivots, il suffit de les attaquer. Il suffit de cibler ces états pivots pour pouvoir changer le résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en plus, on regarde dans ces états pivots là où il y a les machines les plus vulnérables, puisqu'il y a différents modèles. Là où il y a le plus de points communs, peut-être dans les villes, ou peut-être où il y a une entreprise qui va gérer plusieurs bureaux de vote, pour maximiser le résultat qu'on veut changer, pour maximiser le nombre de machines impactées. Donc le fait que ça soit décentralisé, qu'il y ait des modèles différents, qu'il y ait beaucoup de machines dans le pays, ça ne nous protège pas. Alors ce qu'il propose le chercheur, il donne trois solutions pour les états, des différents états des États-Unis, pour les différents bureaux de vote. Donc la première solution, c'est de faire un vote papier en parallèle qui va faire une sauvegarde, qui va faire une espèce de backup, de sauvegarde au cas où si machine bug ou si elle donne un mauvais résultat. Et d'utiliser, donc ça c'est la deuxième mesure, utiliser ces papiers de sauvegarde, les gens qui ont voté en parallèle en papier, pour auditer ces machines. Donc vous voyez, vous faites un test statistique, je sais pas, 1%, 10%, le nombre qu'il faut. Vous vérifiez le nombre qu'il faut de papiers en comparant avec la machine pour savoir si les machines ressortent bien des bons résultats fiables, qu'elles n'ont pas été attaquées. Donc le papier comme sauvegarde, les audits par le papier, la deuxième mesure. Et la troisième mesure, c'est que si vous prenez des machines électroniques, des machines informatiques, de vote, il faut l'assumer. Il faut une gestion de ces machines, une gestion cybersécurité. Et notamment, si le constructeur, si des hackers découvrent qu'il y a des failles sur ces machines, notamment à cause des cartes, eh bien le constructeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer tout de suite une mise à jour. C'est dans son intérêt de vendre des machines qui sont sécurisées. Mais le problème, c'est que ces patchs de mise à jour, ils ne sont pas du tout appliqués. Et il faut que les États, il faut que les bureaux de vote, que les entreprises qui gèrent ces machines mettent bien à jour les machines pour qu'elles soient protégées. Voilà, c'est une des mesures de gestion. Mais ça fait partie d'un plus grand plan de gestion en cyber. Et bien sûr, ça impose des moyens de recruter des personnes qui gèrent ça. C'est pas donné. Donc voilà, le chercheur, il propose trois solutions. Le papier, les audits et une gestion cyber. Alors, vous voyez... Moi, ce que j'en pense, c'est que, en fait, je donnerais même un autre problème à tout ça, c'est qu'il y a un risque de confidentialité. Quand vous votez, le principe du vote, la démocratie, c'est que le vote, il est secret. Personne ne peut savoir ce que vous avez voté. Donc, vous pouvez voter en toute liberté. Eh bien, avec ces machines, ce qui peut être, moi, ce que je vois comme problème, c'est que si la personne rentre à 11h45 et vote à 11h45 03, eh bien, j'espère que la machine, elle n'a pas une ligne quelque part qui a écrit 11h45 03 avec le nom Trump, ou Biden, peu importe, mais qu'elle n'enregistre pas les heures et les noms des candidats, qu'elle enregistre un total. Et ça, il faut bien s'en assurer, il faut bien que les autorités imposent ça aux constructeurs de machines, parce que sinon, on pourrait savoir qui a voté pour qui. Et là, la machine, elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors, entre vous et moi, ce que je pense, c'est que le papier, le crayon, l'enveloppe, c'est les meilleures protections contre les hackers. Parce qu'un hacker qui a plusieurs milliers de kilomètres, il ne peut pas changer ce que vous avez mis dans l'enveloppe. Vous voyez, il faudrait qu'il soit dans le bureau de vote et qu'il intercepte votre enveloppe avant que vous le mettiez dans la boîte ou au moment où la personne ouvre l'enveloppe. Mais il ne peut pas, changer des milliers de votes instantanément, à distance, depuis un autre pays, sans scrupule. Donc pour moi, le papier et le crayon, ça reste les meilleures solutions contre les machines de vote. Alors, depuis que j'ai monté ce podcast, là, depuis quelques semaines, je me suis monté un objectif. Je vais vous partager un objectif que j'ai. C'est celui de créer une communauté. Une communauté avec vous, mes auditeurs, pour qu'on puisse échanger sur ces problèmes. Parce qu'on n'en parle pas assez dans la société. Comment l'informatique, comment la cybersécurité nous impacte dans notre quotidien, donc par exemple dans notre processus démocratique, c'est un enjeu important. Et du coup, je vous propose de réagir en commentaire sur mon blog, de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vaut mieux des machines de vote? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser crayon et enveloppe? Quel est le plus cher, le plus fiable, le plus facile à mettre en place, le plus éthique aussi? Donc donnez-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, et je pense qu'on peut échanger là-dessus et savoir ce qu'on peut, entre nous, dans un élan de démocratie, savoir ce qu'on peut faire sur ce sujet. Dans les temps fabuleux et limpides de l'histoire, où les souverains, beaux de phare et de gloire, commandaient, suivant le sage et la tradition, tranchaient les décisions par des immolations. Soudain, sous tes cieux dorés, clairs, hélas antiques, la démocratie et le vote ont commencé. La majorité des votes arithmétiques allaient guider les décisions de la cité. Plus tard, vers des climats plus rudes, en déserts barbares, chez les francs tumultueux nos pères, cette inspiration grecque, reprise par les Lumières, la France allait la reprendre pour bannière. Aujourd'hui, le vent siffle, le navire tangue, il pleut à l'averse des discours de harangue. Certains voudraient saper décompte résultat, d'autres numériser comment on votera. Alors, protégeons-nous des potentielles attaques. Avec le papier, menons la contre-attaque. Gardons toujours un processus irréprochable et la confiance restera inébranlable.